Scène 3. La reine et Beaugrelas. Enfin, je commence à me rassurer. Vous n'avez aucun sujet de crainte. Une effroyable clameur se fait entendre dehors. Que vois-je ? Mes deux frères poursuivis par le père Ubu et ses hommes. Oh mon Dieu ! Sainte Vierge ! Ils perdent ! Ils perdent du terrain. Toute l'armée suit le père Ubu. Le roi n'est plus là. Horreur ! Au secours ! Voilà Boleslas mort. Il a reçu une balle. Hé ! Défends-toi ! Hourra, Ladislas ! Oh, il est entouré. C'en est fait de lui. Bordure vient de le couper en deux comme une saucisse. Ah, hélas ! Ces furieux pénètrent dans le palais. Ils montent l'escalier ! La clameur augmente. Mon Dieu, défendez-nous ! Oh, ce père Ubu, le coquin, le misérable, si je le tenais !